Cependant, Monsieur Defondel se sentait ridicule. Il faisait une mine sotte. Il aurait donné beaucoup pour que le mari se fâchât. Mais Nantas se taisait. Il était simplement devenu très pâle. Quand il eut reporté ses regards de Monsieur Defondel à Flavie, il s'inclina devant cette dernière en prononçant cette seule phrase. « Madame, excusez-moi, vous êtes libre. » Il tourna le dos. Il s'en alla. En lui, quelque chose venait de se casser. Seul, le mécanisme des muscles et des os fonctionnait encore. Lorsqu'il se retrouva dans son cabinet, il marcha droit à un tiroir où il cachait un revolver. Après avoir examiné cette arme, il dit tout haut, comme pour prendre un engagement formel vis-à-vis de lui-même. « Allons, c'est assez. Je me tuerai tout à l'heure. » Il remonta la lampe qui baissait, il s'assit devant son bureau et se remit tranquillement à la besogne. Sans une hésitation, au milieu du grand silence, il continua la phrase commencée. Un à un, méthodiquement, les feuillets s'entassaient. Deux heures plus tard, lorsque Flavie, qui avait chassé M. Defondette, descendit fini pour écouter à la porte du cabinet, elle n'entendit que le petit bruit de la plume craquant sur le papier. Alors, elle se pencha. Elle mit un œil autour de la serrure. Nantas écrivait toujours, avec le même calme. Son visage exprimait la paix et la satisfaction du travail, tandis qu'un rayon de lampe allumait le canon du revolver près de lui.